براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Désaveu de la part de Dieu et de son messager à l'égard des associateurs avec lesquels vous avez conclu un traité. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne pouvez échapper à Dieu et que Dieu couvrira d'ignominie les négateurs. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Proclamation de Dieu et de son messager aux gens. Au jour du grand pèlerinage, Dieu et son messager désavouent les associateurs. Si vous revenez de votre erreur, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduisez pas Dieu à l'impuissance. Annonce un tourment douloureux aux négateurs. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un traité et qui n'ont pas manqué à leurs engagements envers vous, ni soutenu personne contre vous. Respectez pleinement le traité que vous avez conclu avec eux, jusqu'au terme convenu. Certes, Dieu aime les pieux. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Puis, lorsque les 4 mois sacrés se sont écoulés, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et préparez des embuscades. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Si un associateur te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il entende la parole de Dieu, puis fais-le escorter jusqu'à son lieu de sécurité. Cela parce que ce sont des gens qui ne savent pas. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Comment pourrait-il y avoir un traité entre Dieu, son messager et les associateurs, à l'exception de ceux avec qui vous avez conclu un traité près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont loyaux envers vous, soyez-le envers eux, car Dieu aime les pieux. Comment pourrait-il y avoir un tel traité avec les autres, alors que, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni lien de parenté, ni pacte conclu? Ils vous disent des paroles complaisantes, tandis que leur cœur les renie, et la plupart d'entre eux sont des pervers. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Ils ont troqué les versets de Dieu contre un prix misérable et empêchent les hommes de suivre le sentier de Dieu. Quelle mauvaise action que celle qu'ils commettent! Ils ne respectent, envers un croyant, ni pacte, ni lien de parenté. Ce sont ceux-là les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et payent la zakat, alors ils sont vos frères en religion. Nous exposons en détail nos signes pour des gens qui savent. Si après avoir conclu un traité avec vous, ils rompent leurs promesses et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de l'incroyance, car ils ne respectent nullement leur serment. Peut-être cesseront-ils. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont rompu leurs promesses solennelles, qui ont voulu expulser le messager et qui vous ont attaqué les premiers? Quoi? Les craignez-vous? C'est Dieu qui mérite le plus votre crainte si vous êtes croyant. Combattez-les. Par vos mains, Dieu les châtiera, les couvrira de honte, vous donnera la victoire sur eux et guérira le cœur de ceux qui croient. Il fera disparaître la colère de leur cœur. Dieu pardonne à qui il veut. Il est omniscient et sage. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Croyez-vous que l'on vous laissera tranquille alors que Dieu n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui luttent et qui ne prennent pour alliés personne en dehors de Dieu, de son messager et des croyants? Dieu sait parfaitement ce que vous faites. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Les associateurs n'ont pas le droit de peupler les mosquées de Dieu alors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur incroyance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et qui demeureront dans le feu éternellement. Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en lui et au jour dernier, qui accomplissent la prière, payent la zakat et ne craignent que Dieu. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ferez-vous de la charge d'abreuver les pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables à ceux de celui qui croit en Dieu et au jour dernier et lutte dans le chemin de Dieu? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu. Dieu ne guide pas les gens injustes. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et fait effort dans le sentier de Dieu, occupent les rangs les plus hauts auprès de Dieu. Voilà ceux qui sont victorieux. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'une miséricorde de sa part, ainsi que des jardins où il y aura pour eux une félicité permanente, et dans lesquels ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès de Dieu une énorme récompense. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ni vos pères, ni vos frères, si l'incroyance leur est plus agréable que la foi. Quiconque d'entre vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, les marchandises dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous plaisent vous sont plus chères que Dieu, son messager, et l'effort dans le sentier de Dieu, alors attendez que Dieu fasse s'accomplir son ordre. Dieu ne guide pas les pervers. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Dieu vous a secouru sur plusieurs champs de bataille, et le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous servit à rien, alors la terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez battu en retraite. Ensuite, Dieu fit descendre sa quiétude rassurante sur son messager et sur les croyants. Puis il fit descendre des troupes d'anges invisibles à vos yeux pour châtier les négateurs. Telle est la rétribution des négateurs. Après cela, Dieu pardonnera à qui il veut, car il est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ô vous qui croyez, les associateurs sont impurs, alors ne les laissez pas s'approcher de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez la pauvreté, Dieu vous enrichira de par sa grâce, s'il le veut, car Dieu est omniscient et sage. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez ceux qui ont reçu le livre, mais qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu interdit par l'intermédiaire de son messager, et qui ne suivent pas la religion de vérité, jusqu'à ce qu'ils versent le tribut de leurs propres mains et en toute soumission. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Les Juifs disent Uzair est le fils de Dieu, et les chrétiens disent le Messie est le fils de Dieu. Telles sont les paroles qui sortent de leur bouche. Ils répètent ce que disaient les négateurs qui vécurent avant eux. Que Dieu les anéantisse, comme ils s'écartent de la vérité. Ils ont pris leur rabbin, leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a commandé de n'adorer que Dieu. Nulle divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qu'il lui associe. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu est déterminé à parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les négateurs. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne voie et la religion de vérité, afin qu'elle prévale sur toutes les autres religions, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhbani ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et les écartent du sentier de Dieu. À ceux qui accumulent avec avarice l'or et l'argent et qui ne les dépensent point dans la voie de Dieu, annonce un douloureux châtiment. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer, et que leur front, leurs flancs et leur dos en seront marqués, il leur sera dit : voici ce que vous aviez accumulé pour vous-même avec avarice. Maintenant, goûtez donc à ce que vous accumuliez. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Le nombre des mois auprès de Dieu est de 12, ainsi qu'il l'a décrété le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion dans toute sa rectitude. Alors, ne vous causez pas du tort à vous-même durant ces mois et combattez les associateurs sans exception, de la même façon qu'ils vous combattent tous sans exception. Sachez que Dieu est avec les pieux. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré constitue un surcroît d'incroyance. Par ce report, ceux qui ne croient pas s'égarent. Une année, ils ne respectent pas le caractère sacré d'un mois, et l'autre année, ils le respectent afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a déclaré sacré. Ainsi, profanent-ils ce que Dieu a rendu sacré, et leurs mauvaises actions leur sont enjolivées. Dieu ne guide point les négateurs. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit « Élancez-vous sur le sentier de Dieu » à vous appesantir sur le sol. Préférez-vous la vie présente à celle de l'au-delà? Or le confort de cette vie n'est que bien peu de choses comparées à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous infligera un douloureux châtiment et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne pouvez lui nuire d'aucune façon. Dieu est tout-puissant. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si vous ne portez pas secours au prophète alors que Dieu l'a déjà secouru, quand ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, ils disaient à celui-ci, alors qu'ils étaient dans la grotte, « Ne t'attriste point, Dieu est avec nous. » Dieu fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutint de soldats que vous ne voyez pas. Il abaissa ainsi la parole des négateurs, tandis que la parole de Dieu eut le dessus. Dieu est puissant et sage. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Lourdement ou légèrement, élancez-vous au combat, efforcez-vous de vos biens et de votre personne sur le sentier de Dieu. Cela est bien meilleur pour vous, si seulement vous saviez. S'il y avait eu la perspective d'un gain facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi. Mais la distance leur parut longue, et pourtant, ils jureront par Dieu. Si nous avions pu, nous serions certainement sortis en votre compagnie. Ils détruisent leur âme, et Dieu sait bien qu'ils mentent. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Que Dieu te pardonne, ô Mohammed. Pourquoi leur as-tu accordé la permission avant d'avoir distingué ceux qui disaient vrai de ceux qui mentaient? Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne te demandent pas de permission quand il s'agit de faire effort avec leurs biens et leur vie. Dieu connaît bien les pieux. Ne te demandent permission que ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier et dont le cœur est rempli de doutes. Dans leurs doutes, ils hésitent. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. S'ils avaient voulu partir, ils auraient certainement fait des préparatifs. Mais Dieu répugnait à les voir partir. Alors il les rendit paresseux, et il leur fut dit, « Restez ici avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils ne vous auraient apporté que des problèmes, et seraient allés et venus dans vos rangs, en cherchant à provoquer la dissension entre vous. Il y en a parmi vous qui les auraient écoutés. Dieu connaît bien les injustes. » لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ils ont déjà par le passé cherché à provoquer la dissension dans vos rangs et ils ont embrouillé tes affaires jusqu'à ce que vienne la vérité et que triomphe le commandement de Dieu en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il y en a plus d'un qui dit « Donne-moi la permission de rester chez moi et ne me mets pas à l'épreuve. » Or, ils sont bel et bien déjà tombés dans l'épreuve de la tentation. Certes, l'enfer est tout autour des négateurs. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا Si un bien t'atteint, ils s'en affligent, et si un malheur t'atteint, ils disent « Heureusement que nous avions pris nos précautions d'avance. » Puis ils se détournent tout en exultant. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a décrété pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. Dis, vous attendez-vous à ce qu'il y ait pour nous autre chose qu'une des deux meilleures choses? Tandis que ce à quoi nous nous attendons pour vous, c'est que Dieu vous inflige un châtiment, soit de sa part, soit par notre intermédiaire. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dis, que vous dépensiez de bon cœur ou contre votre gré, cela ne sera jamais accepté de vous, car vous êtes des pervers. Rien n'empêche leur contribution d'être acceptée à part le fait qu'ils ne croient pas en Dieu et en son messager, qu'ils ne se rendent à la prière qu'avec paresse et qu'ils ne dépensent que contre leur gré. Que leurs richesses et leurs enfants ne t'éblouissent point, Dieu ne veut par cela que les châtier en cette vie et les voir rendre l'âme alors qu'ils sont toujours négateurs. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Ils jurent par Dieu qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont plutôt des gens qui ont peur. S'ils trouvaient un endroit où aller se réfugier, des grottes ou tout endroit où ils puissent se cacher, ils s'y précipiteraient certainement. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet de la distribution des aumônes. Si on leur en donne, les voilà contents. Mais si on ne leur en donne pas, les voilà pleins de rage. Si seulement ils s'étaient contentés de ce que Dieu et son messager leur avaient donné et avaient dit « Dieu nous suffit, il nous accordera bientôt sa faveur, de même que son messager. C'est à Dieu que nous adressons nos supplications. » إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, à ceux qui sont chargés de les administrer, au ralliement des bonnes volontés, à l'affranchissement des esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés, aux dépenses pour la cause de Dieu et aux voyageurs. C'est là un décret de Dieu, Dieu est omniscient et sage. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أن من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Parmi eux, il y en a qui font du tort au prophète et disent: Il croit tout ce qu'il entend. Dit: Il écoute ce qui est bon pour vous. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Ceux qui font du tort aux messagers de Dieu recevront un douloureux châtiment. Ils jurent par Dieu seulement pour vous satisfaire, mais Dieu et son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Dieu et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Voilà le suprême opprobre. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre une sourate à leur sujet, dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, continuez de vous moquer. Dieu dévoilera au grand jour ce que vous craignez. Si tu les interrogeais, ils diraient sûrement, nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis, est-ce de Dieu, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à un groupe d'entre vous, nous en châtillerons un autre à cause de leur péché. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils enjoignent le blâmable et interdisent le bien. Et retiennent leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Dieu, alors il les a oubliés. En vérité, les hypocrites, ce sont eux les pervers. Aux hypocrites, hommes et femmes, et aux négateurs, Dieu a promis le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Cela leur suffira, Dieu les a maudits, il y aura pour eux un châtiment permanent. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts et plus riches que vous et avaient plus d'enfants. Ils jouirent pour un temps de leur part en ce monde et vous en jouissez pour un temps comme ils l'ont fait avant vous. Vous avez de vaines discussions comme ils en ont eu avant vous. Tels sont ceux dont les œuvres sont vaines En ce monde comme dans l'au-delà, ce sont eux les perdants. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. L'histoire de ceux qui les ont précédés ne leur est-elle pas parvenue, des peuples de Noé, des Had, des Thamoud, d'Abraham, les gens de Madian et des villes renversées, dans lesquelles habitait le peuple de Lot? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants, hommes et femmes, sont alliés les uns des autres. Ils enjoignent le convenable et interdisent le blâmable. Ils accomplissent la prière, payent la zakat et obéissent à Dieu et à son messager. Voilà ceux à qui Dieu fera miséricorde, car Dieu est puissant et sage. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Aux croyants et aux croyantes, Dieu a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et d'excellentes demeures dans les jardins d'Éden. Le plus grand bonheur sera la satisfaction de Dieu, ce sera aussi la plus grande réussite. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ô prophète, fais effort contre les négateurs et les hypocrites et sois rude avec eux. Leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont rien dit de mal, alors qu'en vérité, ils ont bel et bien proféré un blasphème et rejeté la foi après avoir embrassé l'islam. Ils ont projeté un complot qu'ils n'ont pas été en mesure de mettre à exécution. Cette vengeance constituait leur unique réponse à la générosité de Dieu et de son messager, par laquelle ils se sont enrichis. S'ils se repentent, ce sera bien meilleur pour eux. Mais s'ils se détournent, Dieu leur infligera un douloureux châtiment ici-bas comme dans l'au-delà, et ils n'auront sur terre ni alliés ni protecteurs. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Certains d'entre eux avaient pris un engagement envers Dieu. S'il nous donne de sa grâce, nous donnerons l'aumône et nous serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils devinrent avares et se détournèrent pleins d'aversion. Par conséquent, il fit naître l'hypocrisie dans leur cœur, cela jusqu'au jour où ils le rencontreront. Cela pour avoir violé la promesse qu'ils avaient faite à Dieu et pour avoir menti. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs pensées profondes et leurs conversations secrètes et qu'il connaît parfaitement les choses cachées ? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ceux-là dirigent leurs calomnies contre les croyants, faisant de bon gré des aumônes, et contre ceux qui ne trouvent que leurs maigres moyens à offrir. Ils se moquent d'eux, Dieu se moquera d'eux, et ils auront un supplice cruel. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et même si tu demandes pardon pour eux, 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Cela, parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu et en son messager, et que Dieu ne guide point les pervers. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Ceux qui ont été laissés en arrière lors de l'expédition de Tabouk se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, derrière le messager, car ils répugnaient à faire effort de leur bien et de leur vie dans le sentier de Dieu. Ils dirent, « Ne partez pas au combat par cette chaleur. » Dit, « Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. » Si seulement ils comprenaient. Qu'ils rient un peu, ils pleureront beaucoup, en récompense de ce qu'ils auront acquis. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ Si Dieu te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'il te demande de partir au combat, alors dis « Vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis à mes côtés. Vous avez été content de rester chez vous la première fois, demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent en arrière. N'accomplis jamais la prière funéraire sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Ils n'ont pas cru en Dieu et en son messager et ils sont morts en pervers. » ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Que ni leurs biens, ni leurs enfants ne t'émerveillent. Dieu ne veut par cela que les châtier en cette vie et les voir rendre l'âme alors qu'ils sont toujours négateurs. Lorsqu'est révélée une sourate qui dit « Croyez en Dieu et faites effort côté de son messager », Les hommes riches parmi eux te demandent quand même d'être dispensés du combat et disent « Laisse-nous avec ceux qui restent assis chez eux. » Ils préfèrent rester avec celles qui restent en arrière. Leur cœur a été scellé, alors ils ne comprennent rien. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Mais le messager et ceux qui croient avec lui firent effort de leurs biens et de leur vie. Ceux-là auront toutes les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront. Dieu a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ceux parmi les Bédouins qui avaient une excuse sont venus te demander d'être dispensés. Et ceux qui ont menti à Dieu et à son messager sont restés assis chez eux. Un douloureux châtiment affligera les négateurs d'entre eux. <t'-> حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. S'ils sont sincères envers Dieu et son messager, nul reproche ne sera fait aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause de Dieu. Nul reproche non plus à ceux qui font le bien. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Nul reproche ne sera fait non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu as dit « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils s'en sont retournés les yeux débordants de larmes, tristes de ne pouvoir trouver de quoi dépenser. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Le blâme n'est dirigé que contre ceux qui te demandent d'être dispensés alors qu'ils sont riches. Ils préfèrent rester avec celles qui restent en arrière. Dieu a scellé leur cœur, alors ils ne savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croirons pas. Dieu nous a déjà informés à votre sujet. Dieu et son messager verront vos actions. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Lorsque vous retournerez vers eux, ils vous feront des serments au nom de Dieu pour que vous les laissiez tranquilles. Mais détournez-vous d'eux, car ils sont impurs et leur refuge est l'enfer. En rétribution de ce qu'ils ont acquis. Ils vous font des serments afin d'être agréés de vous, mais même si vous les agréez, Dieu, lui, n'agrée pas les transgresseurs. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et leur hypocrisie. Ce sont les plus susceptibles d'être ignorants. des limites que Dieu a révélées à son messager. Dieu est omniscient et sage. Parmi les bédouins, certains considèrent comme une perte ce qu'ils dépensent pour la cause de Dieu et attendent pour vous un revers de fortune. Que le malheur les cerne de partout. Dieu entend tout et il est omniscient. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Parmi les bédouins, certains croient en Dieu et au jour dernier et considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher de Dieu et de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher de Dieu et Dieu les admettra en sa miséricorde. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les précurseurs, les tout premiers d'entre les émigrés et les Ansars, auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans les bonnes actions, Dieu les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, et parmi les habitants de Médine, certains s'obstinent dans leur hypocrisie. Mais tu ne les connais pas, ô Mohammed. Nous les connaissons et nous les châtierons par deux fois, puis ils seront envoyés vers un douloureux châtiment. Il y en a d'autres qui ont reconnu leur faute d'avoir mêlé de bonnes actions à de mauvaises. Il se peut que Dieu accueille leur repentir, car il est certes pardonneur et miséricordieux. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les épure, et prie pour eux. Certes, ta prière est un apaisement pour eux. Dieu entend tout, et il est omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Dieu qui accueille le repentir de ses serviteurs, et qui reçoit les aumônes, et que c'est lui qui est pardonneur et miséricordieux ? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Dis-leur, agissez, car Dieu de même que son messager et les croyants verront vos actions, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et le visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. D'autres sont laissés dans l'attente du décret de Dieu, qu'il les châtie ou leur pardonne. Dieu est omniscient et sage. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Ceux qui ont érigé une mosquée par nuisance, impiété, schisme entre les croyants et qui l'utilisent comme lieu de rencontre pour ceux qui, dans le passé, se sont battus contre Dieu et son messager, ceux-là jurent en disant « Nous n'avons voulu que le bien » Dieu atteste que ce sont des menteurs. Ne te tiens jamais debout pour prier dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété mérite plus que tu t'y tiennes pour prier. On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Celui qui fonde son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu est-il le meilleur? Ou bien est-ce celui qui pose les assises de son édifice sur le bord d'une falaise croulante et dont l'édifice bascule avec lui dans le feu de l'enfer? Dieu ne guide pas les injustes. L'édifice qu'ils ont érigé sera toujours une source de doute dans leur cœur jusqu'à ce que ce dernier se déchire en morceaux. Dieu est omniscient et sage. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse à laquelle il s'est engagé dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à ses promesses que Dieu ? Réjouissez-vous donc du marché que vous avez conclu, car c'est là le triomphe suprême. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Oui, de ceux qui se repentent, qui adorent et qui louent, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent en prière, qui enjoignent le bien et interdisent le mal, et qui respectent les limites établies par Dieu. De cela, annonce la bonne nouvelle aux croyants. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon pour les polythéistes, même s'il s'agit de proches parents, après qu'il leur soit devenu clair que ce sont les gens de l'enfer. Abraham n'a demandé le pardon pour son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il comprit clairement que son père était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Certes, Abraham avait le cœur tendre et était indulgent. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Dieu n'est point tel à égarer un peuple après l'avoir guidé et lui avoir montré clairement ce qu'il doit éviter. Certes, Dieu est omniscient. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Vous n'avez en dehors de Dieu ni protecteur ni secoureur. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dieu accueillit le repentir du prophète comme celui des Muhajirines, immigrants, et des Ansars, auxiliaires de Médine, qui le suivirent à un moment difficile après que le cœur d'une partie d'entre eux eût été sur le point de dévier. Il accueillit alors leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux envers eux. Il a également accueilli le repentir des trois qui étaient restés en arrière. La terre, bien que vaste, leur paraissait soudainement bien étroite. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il n'y avait d'autre refuge contre Dieu qu'auprès de lui. Puis, il se tourna vers eux, afin qu'eux aussi se tournent vers lui, en repentant. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et soyez les véridiques. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Il n'appartient pas aux habitants de Médine ni aux bédouins autour d'eux de traîner loin derrière le messager de Dieu, ni de préférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier de Dieu. Et ils ne fouleront aucun chemin en suscitant la colère de l'ennemi, et n'auront le dessus sur aucun d'eux, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Ils ne feront aucune dépense minime ou importante. Ne traverseront aucune vallée sans que cela ne soit inscrit à leur actif, de sorte que Dieu les récompense pour le meilleur de ce qu'ils auront fait. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Des croyants ne devraient pas quitter leur foyer, tous en même temps. De chaque troupe, seul un groupe devrait sortir, de sorte que ceux qui restent en arrière et qui viennent à acquérir des connaissances religieuses puissent les communiquer à leur peuple, à leur retour chez eux, afin que ce dernier soit sur ses gardes. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ô vous qui croyez, combattez les mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Quand une sourate est révélée, certains d'entre eux disent « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ?» Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Quant à ceux qui ont une maladie au cœur, elle ajoute du doute à leur doute et ils meurent en étant mécréants. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Ne voit-il pas que chaque année, ils sont testés une ou deux fois. Malgré cela, ils ne se repentent pas et ne se rappellent pas. Quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Est-ce que quelqu'un vous voit ?» Puis ils se détournent. Dieu a détourné leur cœur, car ce sont des gens qui ne comprennent rien. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Certes, vous est venu un messager, choisi parmi vous, auquel pèsent lourdes les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, ô Mohammed, dit, Dieu me suffit, nul Dieu autre que lui. C'est en lui que je place ma confiance, il est le Seigneur du trône immense.